Auditeurs, auditrices de Radio Chauve-Chouart, bonjour, quoi de neuf ? Un mois sans alcool. L'Eurovision pour la France sera présentée par Louane. Et tout doucement, nous allons commencer bien sûr le carnaval à Venise du 27 au 13 février. Anniversaire people, aujourd'hui nous avons Shakira, demain Joël, mardi Billy, mercredi Julie Zenetti, mercredi Julie Zenetti, jeudi Bob Marley, vendredi François Pirette, samedi Georges Guitari et dimanche prochain Gérard Lenormand. Pensée positive, la vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Bien sûr à la Chandeleur aujourd'hui. On est le 2 février. Le grand, les grands feux chassent l'hiver. Saint-Valentin est à notre programme. Journée de la marmotte. La Chandeleur est une fête traditionnelle de 40 jours après Noël. La Chandeleur est aussi appelée fête des chandelles, mettre la lumière à l'honneur. La Chandeleur est connue pour ses crêpes, une pièce d'argent dans la main gauche et dans la droite, bien sûr, votre poêle et votre crêpe. N'oubliez pas de la faire tourner, puis laissez-la refroidir. Mettez votre pièce à l'intérieur et mettez-le au-dessus de l'armoire. Vous aurez de l'argent toute l'année. La crêpe représente le soleil, l'allongement des journées. Une recette pour les crêpes, eh bien 50 centilitres de lait, 200 g de farine, 4 œufs, 2 sachets vanillés, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une petite pincée de sel. Tamisez la farine dans un plat, ajoutez les 4 œufs, le sucre en poudre, le lait, bien mélangé. Si possible, laissez reposer une heure au frais. Et garnir cela comme vous le souhaitez. Chocolat, confiture, sucre blanc ou alors pourquoi pas aux champignons. La fleur de ce mois de février, le mimosa, est un arbre qui appartient à la grande famille des Fabaceae. Plus de 1200 espèces existent à travers le monde. Endormi par l'hiver, le parfum de mimosa aux accents de miel et vanille illumine les jardins et les pompons d'or. Cette plante symbolise l'élégance, la simplicité, la tendresse, l'amitié et l'énergie féminine. Caché sur une apparence, bien sûr, de fragilité. On peut dire également que le mimosa est un signe de sécurité. Bien sûr, il n'y a pas que le mimosa pour ce mois de février. On vous propose le crocus, la prime verte, le personnage. Et il faut savoir que la couleur mauve, c'est la couleur de, bien sûr, de février. On vous en parle après. Et oui, il y a des jours comme ça, eh bien, on va souhaiter un beau projet à Heidi Angélique, malheureusement qui seront plus animateurs à Radio Chauve-Choir, mais bien auditeurs. Bonne journée à tous les deux. Et encore merci de vos services. Si vous aimez faire de la radio, vous avez envie de passer quelques musiques que vous aimez, le contact téléphonique bien sûr, ou le contact avec les auditeurs, pourquoi pas venir faire un essai radio à Radio Chevauchoir bénévolement au 7 rue Le Chevauchoir. Allez, vous téléphonez pour un petit rendez-vous au 0477 59 48 43. On se met rendez-vous, on vous explique un petit peu comment ça va et puis on voit si vous êtes en forme pour continuer une émission avec nous. Alors, je vous parlais du mauve. Pourquoi du mauve? Eh bien, c'est la pierre de février. L'améthystèle. Donc, l'améthyste, c'est une pierre plus précisément pour la famille. En nom grec veut dire ivresse, sans ivresse. Car l'eau qu'on versait dans les coupes d'un améthyste prenait la couleur du vin. C'est pour cela qu'elle est mauve. Pierre de sérénité. Et de bienfaisance. Bel hiver à l'écoute de nos programmes. Vous êtes dans l'émission Quoi de neuf jusqu'à 9h30 avant l'apéritif musette. Nous sommes dans le mois de février et pour ce qui est des livres en février qui est sorti, il y en a 627 actuellement. Enveloppe volée, objectif rupture et le faiseur de lampes. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du numéro 3, 35, 37, 41, 42, 44, 13. Pour le Joker Plus, le 752, 689, le signe balance. Radio Chevaucheur vous propose dans sa guinguette dimanche prochain les crêpes. Si vous voulez venir déguster de bonnes crêpes, eh bien n'oubliez pas qu'il faut réserver et à midi vous aurez un bon spaghetti bolognaise animé par Josiane Martin. Le 16 février, il y aura bien sûr un jeu bingo pour les personnes qui aiment bien jouer aux boules ou pourquoi pas s'amuser différemment. Et le 23 février, nous aurons également une animation musicale et puis on ira au 2 mars avec Manu de Fleurs. Le 6 mars sera Baldo. Mais le 9 mars, nous serons en déplacement chez Glouglou. Alors, si vous voulez venir, il faut déjà réserver et faire votre paiement pour le 20 février. Ça vous coûte 70€ par personne. Vous avez le départ en autocar, le voyage naturellement, le repas tout complet, c'est-à-dire de l'apéritif en passant par le potage, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et les boissons à volonté, le spectacle avec Aria, il y aura également Clo-Clo, un chanteur qui chante comme Claude François, et puis vous aurez également écouté quelques airs d'accordéon de Michel Prouvot. Tout cela, c'est le 9 mars, mais il faut déjà réserver votre place. Et puis on arrive dans les petits voyages de Radio Chevaucheur, je vous en parle après. C'est Frédéric François. Ah, si Dieu nous laisse encore le temps, eh bien on fera encore beaucoup de choses. Californienne, ce soir j'irai jusqu'au bout. Comme voyager 4 jours en Alsace, une escapade, pourquoi pas, avec plusieurs excursions sur place. On part le vendredi matin, on arrive du côté de Kaysersberg pour visiter cette belle région et puis on ira à l'hôtel pour le petit repas du soir et le logement. Le lendemain matin, on déjeunera et puis on repartira pour Aubernais et son marché hebdomadaire et puis on la maison du pain d'épices à Gerschwiller et puis de là, nous irons à Colmar pour la grande ville, la petite Venise. Et ensuite, nous reviendrons à l'hôtel pour le repas du soir et le logement. Le lendemain matin, nous déjeunerons pour repartir dans la région de Ribeauvillé et tous les alentours. Si nous avons encore le temps, nous ferons la cave à vin avant de rejoindre notre hôtel pour le repas du soir et le logement. Et puis le lundi matin, après le petit déjeuner, nous ferons les valises pour revenir en Belgique. 4 jours, 3 nuits. avec petit déjeuner, dîner, souper, pour eux c'est dîner, mais souper, bien sûr, 3 nuits d'hôtel en chambre double. Vous pouvez avoir une chambre single, mais avec un supplément. Les places sont bien sûr limitées et le voyage vous coûte 436 € par personne. Nous vous attendons déjà pour vos inscriptions. Peut-être même la 62. J'en viendrai à... Et puis il y aura une mini croisière sur le Rhin en France avec Croisie Europe. Nous partirons en autocar de Radio Chevauchois pour rejoindre le bateau et puis nous prendrons place avec les hôtesses qui nous conduiront à notre cabine. Et puis de là, vous pourrez passer l'après-midi sur le bateau, venir aux activités qui se fait au salon ou pourquoi pas rester pour découvrir ce bateau. Et le soir, nous aurons un repas également qui est compris dans votre prix. Nous aurons le logement, le petit déjeuner et le repas du midi du lendemain, sans oublier la soirée dansante car on dansera jusqu'au bout de la nuit sur les années 80. Malheureusement, pour ce voyage, il faut payer déjà pour le 20 février pour savoir garder votre cabine. Il faut savoir qu'il y a 80 bateaux qui démarrent de Strasbourg. C'est presque plein, alors il nous reste encore quelques places pour Radio Chevauchoir, si le cœur vous en dit. Les places sont nominatives, cela veut dire qu'ils sont qu'à votre nom. Vous pouvez pas les échanger ni les offrir, seulement à l'inscription. Si vous voulez l'offrir, vous le mettez à la personne que vous le souhaitez. Je repars. L'étoile semaine. À nous, nourrit nos secrets, nos rêves à l'infini. Vos nouvelles cartes de soutien 2025 sont bien arrivées. N'hésitez pas à en acquérir une. Formez le 0477 59 48 43 ou demandez votre nouvelle carte de soutien 2025 lors de nos activités. Voici votre apéritif musette, comme tous les dimanches matin. Bienvenue dans cette émission avec les croissants, les petits pains au chocolat, tout ce que vous avez envie. C'est dimanche, on en profite et le soleil est avec nous. Ou pourquoi pas avec vos bonnes crêpes. Un contact téléphonique si vous voulez prendre des renseignements ou pourquoi pas faire une dédicace ou un petit bonjour simplement. 0 91 13 86 81. Téléphonez-nous.